Voici un commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Visite pitoyable. En voici le résumé. Les États-Unis s'adonnent ces derniers jours à la conquête de l'opinion publique au sujet de la visite en Chine de Susan Rice, assistante spéciale au président chargée du problème de la sécurité d'État. À ce propos, la Maison-Blanche a publié une déclaration du porte-parole de la réunion de la sécurité d'État. De son côté, à travers les espaces diplomatiques comme entretiens et rencontres, Rice a fait remarquer que les rapports américano-chinois sont les plus importants dans le monde actuel, que la réussite de la Chine conforme aux intérêts américains et que les États-Unis adhèrent à la position de promouvoir le développement toujours stable des rapports de coopération américano-chinois. Il n'est guère difficile de deviner le but de la visite de Rice au moment où le secrétaire d'État américain Kerry s'affaire à former une alliance anti-chinoise sur le problème de la mer du Sud de Chine à l'occasion de la conférence ministérielle d'ASEAN. Maîtriser les puissances en Asie-Pacifique telles que la Chine et s'affirmer comme dominateur du monde étant la stratégie invariable des États-Unis, Rice a voulu apaiser la Chine énervée par les problèmes de la mer du Sud et de la disposition de Saad et voiler l'antagonisme américano-chinois. Toutefois, contrairement à la publication des États-Unis, la Chine a mis en relief sa position invariable sur le problème de la mer du Sud et la disposition de Saad, averti les États-Unis de la tendance d'hégémonie régionale et de l'aggravation de la tension militaire et déclaré de s'y opposer résolument. En effet, la visite en Chine de Rice était une tournée sans aucun résultat.